que la marche est vecteur de parole. C'est vrai qu'il y a souvent des gens. Il y a par exemple Mohamed, la sortie d'Anthony. Je veux dire, j'ai même pas 10 à 15 minutes de rush. C'est-à-dire qu'il s'est levé, c'est lui qui s'est mis à me parler de frontières, qui s'est mis à me parler de cités déchues, etc. C'est-à-dire que. Et il s'est mis en place tout seul. C'est-à-dire que si. Je pense que si je l'avais interviewé assis, il serait rentré dans le discours, ouais, tu sais, la banlieue, etc. Et là, tout d'un coup, il s'est installé dans son territoire et il a parlé de son territoire. Ça, c'est l'exemple le plus flagrant, mais très souvent, je peux même dire, Bouzbegou, dès qu'il a marché, il est parti. J'avais qu'à le suivre. Hein. C'est lui qui a cheminé, c'est lui qui a raconté. Donc, dès qu'il y a de la marche, il y a de l'action, mais la parole, c'est aussi de l'action. Donc, c'est là où ça se rencontre. Et puis, ça aide à réfléchir, comme dit Saïd en prison. Quoi. Et voilà. C'est simple, parce que vous êtes assis, vous avez l'air muet. C'est pas ce que tu viens de dire. Hein. Donc, je marche et je pars. Mais le micro, Rachel Thomas. Hormis Saïd qui parle, si je ne me trompe pas, qui parle des techniques de marche dans la cellule qui fait au plus sur plus de surface, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font avoir sur cette question-là des techniques de marche? Non, c'est lui qui m'en a parlé, hein, les techniques de marche. Je m'attendais à genre quand je l'ai interviewé, moi c'était pour qu'on parle de la prison et comment on vivait en prison, forcément. Et c'est lui qui m'a parlé de la marche. Alors sans doute parce que moi aussi j'étais venu en marchant, donc. Mais je pense que là il nous dit quelque chose d'essentiel sur le fait de tenir debout à 20 ans. Quoi. Et il y a, quand, c'est vrai, quand il s'est mis à marcher, au moins, lui, il savait où il allait. Quoi. Mais non, ça, c'est impressionnant. Les techniques de marche, moi, c'est celles que j'ai expérimentées en tant que réalisateur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est coincé dans la caméra, vous le faites marcher, ça marche tout seul. Mais c'est pas faux, quoi. C'est vrai. C'est... Parce que tout d'un coup, ils mettent en jeu leur corps, donc tout d'un coup, ils ne pensent plus à leur propre image, donc ils ne sont plus dans la représentation figée. Et puis aussi, bon, il y a quand même, il n'y a pas que la marche, parce que ce n'est pas parce qu'on fait marcher que ça parle. C'était de les mettre in situ, c'est-à-dire que c'était ça aussi, c'est-à-dire qu'on les mettait dans le territoire qui les concernait, quoi. Jusque l'architecte. C'est-à-dire que. Oui, je pense que quand on est dans son lieu, dans son territoire, on en parle mieux. Moi, chacun était chez soi, entre guillemets. Ce point de vue-là, d'abord. Oui. Pardon. Est-ce que l'abord est toujours le même suivant les gens, ou est-ce que certains s'y anticipaient, il y a un rendez-vous, il vient de Paris d'ailleurs, etc. D'autres sont spontanés, il y a toujours un protocole. Il fallait préparer quand même des rencontres. Alors, disons, en gros, j'avais quand même des médiateurs. C'est-à-dire des gens qui sont sur place, mais bon, comme va faire un touriste, c'est-à-dire que s'il est à Fresnes, vous entendez parler de l'écomusée de Fresnes, vous allez voir l'écomusée de Fresnes. Puis vous tombez sur Alexandre Delarge, qui vous renvoie à l'histoire des castors, des primaires, etc. Donc il y a ces vecteurs-là. Bon, il y a eu, je voyais les camps. Gitans qui sont à Montlhéry, on en voit, ils sont étalés en autoroute. Je me suis dit, il faut que j'arrive à rentrer chez eux. Donc le problème, c'est pas parce que vous franchissez la porte d'abord qu'on me laissera peut-être rentrer, mais c'est pas dit qu'on s'adressera à moi. Donc le médiateur, ça a été François Lefort, que j'ai harcelé pendant un an d'ailleurs. Parce que c'est très fermé, et ça c'est l'anecdote que je raconte toujours, mais. Un jour j'ai fini par tomber sur lui, et lui aussi c'est un marcheur, donc il m'a dit, mais tu vas vraiment faire ça, mais tu es fou. Et puis il m'a dit, bon, ça y est, je te rejoins. Donc il y a eu une connivence pour m'introduire chez ces gens-là, qui n'est pas toujours facile. Donc ça, il y a eu des choses, préparées, entre guillemets, et puis il y a des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin. étonné de me voir là. Pour certains. Par exemple, le cas de l'architecte qui... Lui, je vais essayer de chercher. il faut, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, j'ai été le chercher, lui. Parce que, bon, ce qui m'intéressait, c'était... où je tombais dans l'agricole, alors là je m'en trouvais définitivement, parce qu'il fallait quand même que j'arrive à Orléans, et mon sujet n'était pas l'agriculture. Mon sujet c'était de savoir où s'arrêtait la ville, donc forcément à la limite de la ville, il y a la ruralité. Mais lui il avait fait, je me suis souvenu, il avait fait un projet d'hôtel sur la Meuse, donc c'était une manière de laisser tout ça, de boucler mon voyage. Puisque la question des hôtels était quand même importante dans la mise en scène, dans la manière aussi d'appréhender un lieu. Je pense que c'est pas la même chose d'aller à l'hôtel, d'aller dans des chambres d'hôtes ou de se faire inviter chez des amis. Tu vois, on a une relation au territoire et aux gens qui est complètement différente. Donc lui, c'était une manière de... Oui, j'ai été le chercher. Un peu surpris parce que je vois bien la continuité de la marche, les rencontres que l'on peut faire dans une écoute avec d'autres gens qui marchent, mais je me demandais s'il n'y avait pas un a priori forcé, d'ailleurs c'est celui du monteur qui faisait déjà un film, parce que j'ai un sentiment de retrouver dans le fond ce que déjà en catégorie on peut penser des gens. Ben, je veux dire par là que je me demande si c'est pas, je ressens que quelque chose de drôle, de vif, d'amusant, de révélateur, mais de significatif sur ce qu'ils sont. C'est-à-dire que je ne les sens pas libres de dire des choses qui ne seront pas considérées comme significatives. Et je me demandais si, c'est l'impression première que j'avais, je me demandais si ça ne vient pas du fait d'avoir autant une succession d'autant de personnages. Quand c'est des personnes ou des personnages. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, peut-être à cause du montage, peut-être pour que ce soit vivant, pour que ça rebondisse, s'il n'y a pas une perception qui rebondit, qui est amusante, qui m'empêche de rencontrer complètement une personne qui m'emmène ailleurs. On construit des personnages, ça, quel que soit le mode employé. Enfin, après, c'est des entretiens. Donc là, si vous voulez, il y a les rushs, il y a 25 heures. Hein. À un moment donné, il faut que tous ces personnages tiennent sur un fil qui n'est pas évident. Et sur une narration qui n'est pas évidente. Alors avec sans doute une contrainte qui peut justifier une partie de ce que vous ressentez, c'est qu'il fallait tenir ça en 60 minutes, et que moi d'emblée, sur le montage, je m'étais installé en 70. Et que peut-être avec 70 minutes, on aurait mieux respiré avec les gens, mais 70 minutes, le diffuseur ne voulait pas. Alors j'ai voulu garder tout le monde, c'était peut-être là mon erreur, mais parce que je voulais en lâcher aucun, mais il aurait fallu en lâcher un ou deux pour que les autres respirent un peu plus. Ouais. Non, c'est sympa, je dis ça parce que je suis un peu fasciné par le fait de marcher longtemps et d'être dans un état d'extinction. Il y a presque de la logique pour trouver son rêve en marchant aussi, hein, quand on pense en même temps. Et cette espèce d'extinction des repères catégoriels qu'on peut avoir dans l'existence, ça va avoir une façon de penser un autre, de faire d'autres liens. Et là, comme on rencontre des gens, ils sont tous intelligents quelque part, ou drôles, ou caricaturaux, mais en même temps, ils révèlent quelque chose. Hein, sont pas, donc, je sens comme une visite des autres, et je ne sens pas dans l'interaction. Non, mais faire un film sur la marche, en gros, c'était les séquences de transition. C'est-à-dire que ça dure 7 minutes. Hein. Donc moi je fais un court-métrage sur la marche en 7 minutes avec un monologue, et après. Oui, c'est après. Après il s'agissait de rencontrer les gens et de les faire parler sur ce territoire. C'était ça, si je vais marcher, oui bien sûr, je ne fais pas un film sur chaque fois que je fais une marche. Surtout moi. Oui. Peut-être. Mais moi, en tant que spectateur de base, j'ai souvent été étonnée par les personnages, les gens. Mmh. Ils m'ont étonné, au sens propre, hein. Aussi bien les lieux. Et puis j'ai appris des choses, donc il y a eu un peu d'étonnement là où je ne l'attendais pas. Donc c'est pour ajouter quelque chose à cette émotion. puis la question que je me pose, c'est le preneur de son, parce qu'il était avec... Il était avec moi, c'est Jean-Luc Bardet, qui a laborieusement perché, parce que c'est pas un territoire facile pour le son, et surtout capter une parole, c'est-à-dire rendre intelligible une parole au milieu de... Je vais pas dire l'enfer sonore, mais pas loin dans certaines situations. C'était quand même quasiment un choix de rester dans l'hostilité sonore. On est parti en stéréo, et quand on travaille en stéréo sur le terrain, c'est le tissure, c'était le... pas mal, mais c'est dur à dire, et on ramasse énormément de son périple. Non, moi j'ai bien aimé la musique sonore, je me suis demandé qu'il avait écrit dès que j'ai eu la réponse, cette fois. J'ai apprécié cette musique qui est souvent en prolongement pictural. C'est la collaboration entre l'ingénieur du son, le monteur et le réalisateur. Il y a eu une idée qui... La musique, la musique, elle a été mise en place, elle a été prête pendant le montage de l'image. C'est-à-dire que le monteur et le réalisateur ont pu bâtir autour, cette séquence autour des sons, autour de... Ce qu'on peut dire, c'est que la route, comme univers sonore, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc, la solution que j'avais, c'est est-ce que j'allais coller de la musique dessus et on allait faire des couches de plâtre plus ou moins bien, qui allaient se tenir plus ou moins bien et nécessairement se fragmenter, se fissurer, ou bien est-ce qu'on se disait, on essaye de sortir de ce son une musique. Donc ça a été le pari, en transformant des sons de la route, par l'électroacoustique, en s'appuyant sur un tempo qui était celui de la marche, puisque c'est le leitmotiv, et les battements du cœur, puisque le battement de la marche, et le tempo de la marche rejoint le battement du cœur. Mais c'est sûr que c'est tout est une construction. Hein. Le regard est une construction, les personnages sont des constructions. Alors, docu-fiction, comme vous voulez, moi, de toute façon, tout documentaire est une construction. Une question. Moi, j'avais une remarque ou une question qui rejoint celle de Jean-Yves, sauf que c'est plus sur l'image du territoire que vous donnez, l'image de ce territoire traversé. Donc j'ai l'impression que coexiste à la fois la logique de la marche, donc du parcours, du cheminement contraint, préliminaire, qui renvoie, c'est comme ça que j'ai perçu, à une ville générique, en quelque sorte. Enfin, c'est l'association que je fais, donc je vous pose la question, qui prend des fois le pas sur tout ce que vous croisez, les gens, les lieux, et qui, là, je trouve, donne... à comprendre un peu l'épaisseur du territoire, qui serait autre chose que c'est juste cette route avec des autoroutes. La route, oui, c'était un prétexte pour faire un espèce de transept, parce que ou bien je marchais en allant directement chez les gitans, et après je passais de dénonciation en dénonciation, c'était un statut, ou bien je dis, bon voilà, je passe par là. Et si Mohamed me dit, bah, c'est tranquille dans les cités, je lui dis, d'accord, c'est tranquille dans les cités. Sauf qu'en 2005, ça brûlait, alors, donc c'était un peu emmerdant. Mais c'est vrai que j'aurais pu aller dans les cités qui brûlent. Donc l'idée, c'était ça, le transect, c'est bon, on est là où on est, et il faut faire avec. Alors des fois, c'est un peu difficile, mais... Ce que je voulais dire, c'était, est-ce que cette expérience contrainte, et le fait de traverser et de rencontrer des choses qui sont inconnues, ça a modifié votre image, votre perception du territoire que vous traversez? Ah oui, mais oui. Oui, mais c'est tellement... c'est tellement à part. Oui, bien sûr, ça modifie. Mais en même temps, c'est ça la marche. Parce que tous ces territoires-là, j'ai traversé en voiture. Je veux dire, c'est vrai, je passe à Rennes depuis 15 ans. Je ne savais pas où était la prison. Pas des histoires. Vous passez en voiture, bord de route, vous les 18 ans, vous êtes bon, vous êtes déjà ailleurs. Donc forcément, elle se constitue à l'intérieur de vous en mémoire. C'est sûr que ce territoire-là, mais je dirais ça de partout. Enfin, je j'étais à Istanbul, j'ai marché dans Istanbul, à partir du moment où vous marchez, vous gardez une mémoire de la ville, de son relief, de ses murs, de sa couleur, de sa lumière, de son odeur, vous avez tout ça en vous et vous le gardez très longtemps. Et aussi la notion que la marche, ce n'est pas quelque chose uniquement de physique, mais la relation que vous y mettez avec les rencontres et tout ça. Et donc, justement, cette dimension autre que vous donnez à la marche avec l'acte social et d'aller plus loin. Enfin, je trouve ça très intéressant, ces deux points un peu que vous soulevez dans le film. C'était des remarques. Et à quand des cours mobiles. Enfin, c'est vrai que aussi, quand on a des choses à faire à l'extérieur, enfin, quand on fait des cours un peu interactifs à l'extérieur, on comprend beaucoup mieux aussi. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir finalement quand on a un rapport autre à l'espace, ça va nous libérer quelque part. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le rapport qu'on a avec l'espace et la mémoire ou la vision, la perception et tout ça. Question. Non, moi aussi j'ai bien aimé le film, peut-être parce que j'ai un peu une expérience comme ça de la marche aussi, disant qu'il faudra en faire quelque chose, voilà, vous l'avez fait. Je me disais, est-ce que vous avez pris appui sur, par exemple, Maspero, là, oui, c'est oui, tout à fait, c'est parti de là. Oui, j'ai lu, c'est ça. C'est exactement parti de là. Ah, ben d'accord. Voilà. Et par ailleurs, les expériences de Stoker, maintenant, les Italiens avec qui... Alors, j'en ai entendu parler, j'ai rien lu sur eux. C'est une carrière qui vient. Ouais, c'est ça, Jonathan et Wolf, etc. J'en ai entendu parler, mais... pas approché le débat avec eux. Mais Maspero, oui, on a été en contact au moment où j'ai envoyé le projet, et bon, il l'avait aimé. Oui, ça m'avait fait plaisir. Oui, mais c'est complètement oui. Ça. Et Bégou, ça me fait plaisir de le revoir. Mais Bégou, il habite Antony. Donc, moi, il y a un de ses textes qui finit sur Antony. Je me dis, mais attends, comment ça se fait? Et du coup, j'ai envoyé à son éditeur en disant, je vais le contacter. Et il m'a dit pourquoi pas, sauf que je voulais qu'on fasse la sortie de Massy qui est à côté d'Antony, et quand j'étais à Massy, il n'était pas là, il m'a dit ben, je prends la voiture et je rejoins. Mais voilà. Non, c'est vraiment tous les gens sont directement liés à ce territoire. Il y a le seul rapporté, mais tout le monde sera rapporté dans la Beauce, c'est l'architecte. Et alors une dernière question pour monopoliser la parole. Vous allez très très vite pour entrer dans Orléans, alors que comme marcheur, moi une des difficultés, c'est juste l'interminable entrée dans les villes aujourd'hui. Non, on venait de sortir d'un monde interminable, oui, donc il y avait une manière d'en sortir, mais je l'ai eu récemment, parce que c'est Jacques Coulon qui est paysagiste qui a vu le film et qui a fait des belvédères, et notamment un belvédère au milieu de la forêt d'Orléans. Donc je crois que je me serais élevé, ça m'aurait... c'était une verticalité à la fin de cette horizontalité qui n'en finissait plus. Non, on aurait pu repartir, on était reparti... Le problème, c'est toute la France est comme ça. C'est-à-dire que c'est toute la France est comme ça. C'est incroyable, mais. J'ai bien aimé aussi ces mobilos qui sont tous automobiles. Il y a quelque chose à parler là-dessus. Cette population qui est partout. Quand on randonne, on en trouve partout et on ne travaille jamais sur eux. Ils sont invisibles, ils sont. Lové dans le paysage. Le camping à la fin. Oui, mais ils cherchent ça. Vous en avez beaucoup, hein, des mobiles, c'est une partie importante du film. Ben oui. C'est une partie importante du paysage français. Oui, surtout que la question des gitans, c'est aussi ça. On veut les immobiliser définitivement. C'est-à-dire que cette société prétendument nomade fiche tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a des moyens pour voyager, pour tout connecter, mais finalement, on traverse plus les lieux, quoi. J'avais une question de mise en forme par rapport à la technique, au prix de vue. Est-ce que ça a modifié la manière de filmer que de faire ce projet en marchant, enfin, Il y a eu des contraintes c'est-à-dire je ne pouvais pas partir avec une grosse caméra qui fait 8 kg. C'est vrai que les derniers matériels qui sont sortis là, depuis quelques années, les petites DD cam m'ont permis. Donc je suis parti avec une HDCAM, donc on est à quoi 2 kg plus la batterie, puis là j'avais quelque chose pour stabiliser. On aperçoit dans le à la fin, pour stabiliser parce qu'il fallait. Bon, la marche c'est le mouvement, donc il fallait en rendre compte. Et filmer le mouvement, ça demande en général une machinerie qui a essayé de se stabiliser. Ce que je voulais aller un peu plus loin que sur la technique, c'est le regard en fonction des lieux, c'est-à-dire la mobilité des mouvements, au montage ou à la prise de vue, je ne sais pas. Est-ce que là, il y a des relations dans la fabrication du film, oui, entre les lieux et la manière de le présenter à la vue, quoi. Le montage est directement constitué sur le tournage. Avec. Ah, c'est moi, je c'est là, le temps du tournage, c'est le temps du montage. Je peux vous dire que c'était un tournage speed, c'est un montage speed. Là, je tourne dans une fonderie, c'est un montage tranquille, on a eu un tournage tranquille. Vous avez beau faire, vos images sont comme ça, le regard et la manière dont vous parlez, c'est comme ça. Donc oui, les mouvements, c'est tenter une écriture sur l'espace, qui soit en mouvement, qui soit en action avec les gens. Puisque pour moi, ce qui est moteur de l'appréhension de l'espace, c'est la marche, c'est le mouvement. C'est-à-dire que dès qu'on marche, l'espace commence à exister et on commence à pouvoir le comprendre, le parler, se le représenter. Donc la caméra, elle a suivi ça, elle était dans cette dynamique avec les gens. C'est-à-dire qu'on pourrait poser une caméra, mais là on ferait un autre film et on ferait des beaux paysages, mais c'était pas l'objet. Et j'avais juste une question justement vis-à-vis de Maspero, et je me demandais en fait d'une certaine façon, vu que le film justement, les parties de marche ne durent que 7 minutes vis-à-vis de tout le film, en quoi précisément le fait de relier ces moments d'interview qui, bon, par la méthode de la marche, permettent de faire émerger des choses particulières, mais d'une certaine façon, en quoi la marche nous renseigne différemment des espaces que l'on va traverser que le fait de les relier en RER comme fait Maspero précisément. Et est-ce que justement ça, le fait d'avoir marché tout au long de ça, renseigne sur un autre monde un petit peu différent ou pas? Alors, si j'avais pas marché, vous pouvez toujours courir. Vous auriez fait un beau cours, machin, mais là, il est parti tout seul. Hein. Il y a ça. Et en marchant, enfin, je veux dire. Bon, maintenant. Même Raymond le gitan, il marche 25 km par jour et lui, on est monté à pied. Parce que ce que fabrique la marche, c'est du temps, mais il marche aussi un peu, Maspero, parce qu'il raconte quand même ses galères entre justement. Qu'il faut chercher, le truc qui va poser son sac, qui revient, il donne cette. Et puis bon, hein, il est arrêté là, il faut chercher à manger, etc. Bon, alors oui, après, c'est des séquences. Bon, ça, on fabrique un mode de récit qui est celui du carnet de voyage, mais on va dire qu'il y a des choses que j'aurais pu faire en train, et il y a des choses que j'aurais pas pu faire en cours. Non, mais ma question portait précisément sur les interstices en fait, et sur les moments entre les rencontres d'une certaine façon. Ça c'était essayer de redonner le ressenti de la marche, le traduire ce qu'on vit dans l'effort, etc. Sachant que on peut pas en faire. Enfin, bon, j'aurais pu en faire un film expérimental. sans doute très intéressants, mais que très peu de gens auraient vu. Mais je les conçois, moi, je les ai conçus en termes de montage et d'écriture comme un moment de cinéma expérimental. Ils vont essayer de redonner de traduire cet espace avec de l'image et des sensations et avec de la musique. Alors tout ça, en essayant de faire une mixture, quoi, au montage. Est-ce qu'il y a eu une écriture personnelle parallèle ? Je pense à Ulysse de Joyce, par exemple, comme dans 24 heures, et il marche, il raconte toutes les conneries qui arrivent dans la tête. Ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'était prévu. Non, mais c'est intéressant cette question-là, parce que j'ai eu envie de le faire, on l'a plus ou moins. Les temps de tournage, les contraintes de production ont fait que j'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que prendre du temps, s'enregistrer, oui, ça aurait été bien que j'ai des demi-journées où je foute rien et je raconte quelque chose et je me promène tout seul là où j'allais retraverser les lieux, oui, bien sûr. Ce sera le prochain. Mais moi, j'avais une question sur le. C'est vraiment tout à fait. C'est pas une critique, hein, j'ai beaucoup aimé le propos, mais j'ai une question de fond qui nous ramène un peu au débat d'aujourd'hui. Ouais. C'est sur le choix des sols et des voies d'accès entre les deux. Parce que c'est intéressant de se poser la question de la marche, mais en même temps avec une dimension adaptée au sport qu'on est en train de faire, ou à l'activité physique qu'on est en train de faire, sinon sport. Et là, en choisissant de passer sur l'asphalte, sur les routes, même s'il recouvre une bonne voie romaine qui a 2000 ans, qui est en soupe par moment, est-ce qu'il n'y a pas, pour aller de Paris à Orléans, des chemins, des voies de grande randonnée, des choses comme ça, qui seraient plus propices à la marche ? Parce que c'est intéressant cette question-là, parce que, par exemple, quand nous, dans notre région ici, quand on se pensait qu'il y a des voies d'accès qui relient tous les endroits de la terre, du coin, quoi, des villages, des montagnes, les cols et tout ça, et qui sont spécifiquement pour le marcheur, depuis 2000 ans. Oui, mais vous êtes dans une ville de marcheurs. Non, mais... Je veux vous dire qu'on a ça fait, vous avez raison, on a largué depuis longtemps le marcheur. Mais on est bien d'accord, c'est pour ça que je pose la question. Parce que justement, en quoi, c'est là, je trouve que le film ne traite pas trop, quel est justement le dysfonctionnement de la marche sur un territoire qui est hostile ou qui n'est pas adapté. Parce que ça, c'est pas traité, je trouve. C'est pour ça que je pose cette question, parce que c'est la question du contexte. Je l'ai traité dans les interstices, parce que là, après les goûts, on voit des voies où on est bloqué, où on n'arrive pas à passer. Tout à fait, mais on reste dans une espèce d'abstraction du matériau de base, qui a été sans doute constante, hein, cette espèce d'asphalte qui devient presque cinégénique, à un moment donné. C'est-à-dire qu'on est dans un abstrait qui décrit un espèce de dénominateur commun du décor des interstices, et on n'a pas le commentaire physique de la chaussure sur du matériau, sur des choses comme ça. Non, mais je ne regrette pas, j'ai bien aimé le reste, c'est pas ça. Mais du coup, ça me pose la question du contexte physique. Et en quoi, par exemple, si on applique la question aux espaces urbains dans lesquels la marche doit se développer, vers quel type de matériau faut-il aller, vers quel type de contact, vers quel... Vous voyez, tout ce qui rentre en ligne de compte là. C'est pour ça que je pose la question à propos du film, parce que je trouve que ça ouvre à cette question. Ça, c'est votre problème. Je pense. Parce que pour marcher, en gros, là, il y a la coulée verte et en gros. Non, mais parce que nous, par exemple, si on veut aller à Nice de Grenoble, vous avez des chemins de grande randonnée qui vont sans vous croiser jamais nos routes ou très peu. C'est ce que je veux dire, quoi. Alors que c'est pour ça que je pose la question entre Orléans et Paris, si ça se trouve. Il y a des sentiers tout à fait. Quand par la forêt, je sais. Non, c'est-à-dire que c'est quand même c'est 120 km, oui, dans la forêt d'Orléans. Mais ces 120 km, c'est la moitié de. C'est urbanisé sur un bon tiers. Quoi, Moi, tu veux parler de l'expérience du GR entre Paris et Orléans. Il est à peu près dans le. Il est peut-être au-dessus de la voie romaine et à côté de la RN20. On peut l'emprunter, ça longe la route Paris, Bagneux, quasiment jusqu'à Paris. Il y a un moment où il y a une cyclable de trottoir. Et il y a un moment, par exemple, il faut. Passer contre les murs, contre les croix, et il y a le siphon de voiture qui vous. Après, on arrive à Étampes, et là, on est vraiment sur le transport. Et le GR est comme. dans celui là, il y en a qui sont dans la rue, alors que la sens de la rue, dans la rue, sur la question du contact pied-sol, petit travail en cours, sans doute, il va se développer. Alors, il y a aussi une question, le micro peut cheminer. Oui, je trouve, Benjamin, en étant très intéressant, la question de confort, ou plutôt l'inconfort quand vous êtes imposé, et qui résonne cette violence que vous pouvez faire vous-même, en quelque sorte, résonne aussi avec votre topo. Mais ma question est plutôt sur le film même. Il était terminé en 2006, je crois, si j'ai bien vu. Quelle est maintenant la vie de ce film? Quelle est sa diffusion, distribution? Pour le moment, il a été diffusé sur TéléSON et tout ce qui est la chaîne régionale en Ile-de-France. Il va être rediffusé cet été. Et il est actuellement disponible sur Vodéo TV. Et il a fait quelques festivals. Et il continue. Donc c'est pas facile de faire voir un film comme ça. Si c'est ça, là. Lui donner une visibilité, c'est pas facile. Mais sur la question de la violence, moi j'ai pas eu la sensation de me faire violence, parce que j'habite à côté de... Non, j'habite à côté de la voie romaine, je suis à côté de la Nationale 20. C'est-à-dire que tous ces territoires, c'est vrai que c'est, bon, au bout du compte, c'est vrai que c'est une violence, mais en même temps, c'est des territoires que je parcourais. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai pas décidé d'aller me faire l'Everest à 8000 mètres, alors j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est mon quotidien. Je le dis au départ, je la porte d'Orléans, tout ça, c'est des rues que j'ai fait, j'ai quasiment fait. Je vais en bas, attends, hop, on fait un coup de vélo. C'est tous ces territoires-là, c'est les territoires du quotidien. Donc la question, c'est est-ce qu'on pouvait les regarder autrement et différemment. Donc j'ai vraiment pas eu... Bon, ça a été difficile comme tournage, physiquement, pour les pieds et les oreilles, mais j'ai pas eu la sensation de me faire violence. C'était comme la nécessité d'essayer de réintégrer ou de se réapproprier un territoire. Est-ce qu'il y a eu, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a eu, par exemple, un décalage de point de vue entre ce que vous viviez, vous, en filmant, et est-ce que pouvait vivre, peut-être, Jean-Luc, en faisant les prises de son? C'est-à-dire, est-ce qu'à la mesure où vous n'avez pas le même vécu et la même durée de vécu sur ce parcours-là, est-ce qu'il y a des décalages? Et est-ce que ça a pu être intégré dans le montage ou pas? Des décalages. Oh, il a bien suivi Jean-Luc, il a eu l'entrée d'Arpajon, il en avait marre, mais non, t'as compris. Parti, oui. T'as compris. Non, mais bon, mais... Non, Arpajon, oui, oui. Je trouve qu'on s'est bien rencontrés, en tout cas. On s'est rencontré dans l'école Lascal, le documentariste à Paris, et Anani m'a présenté Olivier, et Olivier connaissait Jean-François Molière à travers Pazantin. Et ça a été pour moi vraiment une raison de m'intéresser à ce projet. Ben voilà, c'est exactement.